20 000 lieues sous les mers, tome 1, première partie, chapitre 22, la foudre du capitaine Nemo. Nous avions regardé du côté de la forêt, sans nous lever, ma main s'arrêtant dans son mouvement vers ma bouche, celle de Ned Land achevant son office. « Une pierre ne tombe pas du ciel, dit Conseil, ou bien elle mérite le nom d'aérolite. » Une seconde pierre, soigneusement arrondie, qui enleva de la main de Conseil une savoureuse cuisse de ramier, donna encore plus de poids à son observation. Levés tous les trois, le fusil à l'épaule, nous étions prêts à répondre à toute attaque. « Sont-ce des singes ? » s'écria Ned Land. « À peu près, répondit Conseil, ce sont des sauvages. »« Au canot, dis-je, en me dirigeant vers la mer. » Il fallait en effet battre en retraite, car une vingtaine de naturels, armés d'arcs et de frondes, apparaissaient sur la lisière d'un taillis qui masquait l'horizon de droite à 100 pas à peine. Notre canot était échoué à 10 toises de nous. Les sauvages s'approchaient sans courir, mais ils prodiguaient les démonstrations les plus hostiles. Les pierres et les flèches pleuvaient. Ned Land n'avait pas voulu abandonner les provisions, et, malgré l'imminence du danger, son cochon d'un côté, ses kangourous de l'autre, il détalait avec une certaine rapidité. En 2 minutes, nous étions sur la grève. Charger le canot des provisions et des armes, le pousser à la mer, armer les 2 avirons, ce fut l'affaire d'un instant. Nous n'avions pas gagné 2 encablures que 100 sauvages, hurlant et gesticulant, entrèrent dans l'eau jusqu'à la ceinture. Je regardai si leur apparition attirerait sur la plateforme quelques hommes du Nautilus. Mais non, l'énorme engin, couché au large, demeurait absolument désert. 20 minutes plus tard, nous montions à bord. Les panneaux étaient ouverts. Après avoir amarré le canot, nous rentrâmes à l'intérieur du Nautilus. Je descendis au salon, d'où s'échappaient quelques accords. Le capitaine Nemo était là, courbé sur son orgue et plongé dans une extase musicale. « Capitaine !» lui dis-je. Il ne m'entendit pas. « Capitaine !» repris-je, en le touchant de la main. Il frissonna et, se retournant, « Ah, c'est vous, monsieur le professeur, me dit-il. Eh bien, avez-vous fait bonne chasse ? Avez-vous herborisé avec succès ?»« Oui, capitaine, répondis-je, mais nous avons malheureusement ramené une troupe de bipèdes dont le voisinage me paraît inquiétant. »« Quels bipèdes ? Des sauvages. »« Des sauvages, répondit le capitaine Nemo d'un ton ironique. Et vous vous étonnez, monsieur le professeur, qu'ayant mis les pieds sur une des terres de ce globe, vous y trouviez des sauvages ? Des sauvages, où n'y en a-t-il pas ? Et d'ailleurs, sont-ils pires que les autres, ceux que vous appelez des sauvages ? Mais, capitaine ! Pour mon compte, monsieur, j'en ai rencontré partout. Eh bien, répondis-je, si vous ne voulez pas en recevoir à bord du Nautilus, vous ferez bien de prendre quelques précautions. Tranquillisez-vous, monsieur le professeur, il n'y a pas là de quoi se préoccuper. Mais ces naturels sont nombreux. « Combien avez-vous compté ?»« 100 au moins. »« Monsieur Aronnax, répondit le capitaine Nemo, dont les doigts s'étaient replacés sur les touches de l'orgue, quand tous les indigènes de la Papouasie seraient réunis sur cette plage, le Nautilus n'aurait rien à craindre de leurs attaques. » Les doigts du capitaine couraient alors sur le clavier de l'instrument, et je remarquai qu'il n'en frappait que les touches noires, ce qui donnait à ses mélodies une couleur essentiellement écossaise. Bientôt, il eut oublié ma présence et fut plongé dans une rêverie que je ne cherchais plus à dissiper. Je remontai sur la plateforme. La nuit était déjà venue, car sous cette basse latitude, le soleil se couche rapidement et sans crépuscule. Je n'aperçus plus que confusément l'île Géborroire, mais des feux nombreux allumés sur la plage, attestaient que les naturels ne songeaient pas à la quitter. Je restai seul ainsi pendant plusieurs heures, tantôt songeant à ces indigènes, mais sans les redouter autrement, car l'imperturbable confiance du capitaine me gagnait, tantôt les oubliant pour admirer les splendeurs de cette nuit des tropiques. Mon souvenir s'envolait vers la France, à la suite de ces étoiles zodiacales qui devaient l'éclairer dans quelques heures. La lune resplendissait au milieu des constellations du zénith. Je pensais alors que ce fidèle et complaisant satellite reviendrait après-demain à cette même place pour soulever ses ondes et arracher le Nautilus à son lit de coraux. Vers minuit, voyant que tout était tranquille sur les flots assombris, aussi bien que sous les arbres du rivage, je regagnai ma cabine et je m'endormis paisiblement. La nuit s'écoula sans mésaventure. Les Papouas s'effrayaient, sans doute, à la seule vue du monstre échoué dans la baie, car les panneaux restés ouverts leur eussent offert un accès facile à l'intérieur du Nautilus. À 6 heures du matin, 8 janvier, je remontai sur la plateforme. Les ombres du matin se levaient. L'île montra bientôt, à travers les brumes dissipées, ses plages d'abord, ses sommets ensuite. Les indigènes étaient là plus nombreux que la veille, 500 ou 600 peut-être. Quelques-uns, profitant de la marée basse, s'étaient avancés sur les têtes des coraux, à moins de 2 encablures du Nautilus. Je les distinguai facilement. C'étaient bien de véritables Papouas, à taille athlétique, hommes de belle race, au front large et élevé, au nez gros mais non épaté, aux dents blanches. Leur chevelure laineuse, teinte en rouge, tranchait sur un corps noir et luisant comme celui des Nubiens. Au lobe de leur oreille, coupé et distendu, pendaient des chapelets en os. Ces sauvages étaient généralement nus. Parmi eux, je remarquai quelques femmes, habillées, des hanches aux genoux, d'une véritable crinoline d'herbe que soutenait une ceinture végétale. Certains chefs avaient orné leur cou d'un croissant et de colliers de verroterie rouges et blanches. Presque tous, armés d'arcs, de flèches et de boucliers, portaient à leur épaule une sorte de filet contenant ces pierres arrondies que leur fronde lance avec adresse. Un de ces chefs, assez rapproché du Nautilus, l'examinait avec attention. Ce devait être un mado de haut rang, car il se drapait dans une natte en feuilles de bananier, dentelée sur ses bords et relevée d'éclatantes couleurs. J'aurais pu facilement abattre cet indigène qui se trouvait à petite portée, mais je crus qu'il valait mieux attendre les démonstrations véritablement hostiles. Entre Européens et sauvages, il convient que les Européens ripostent et n'attaquent pas. Pendant tout le temps de la marée basse, ces indigènes rôdèrent autour du Nautilus, mais ils ne se montrèrent pas bruyants. Je les entendais répéter fréquemment le mot « assaille », et à leurs gestes je compris qu'ils m'invitaient à aller à terre, invitation que je crus devoir décliner. Donc ce jour-là, le canot ne quitta pas le bord, au grand déplaisir de Maître Land, qui ne put compléter ses provisions. Cet adroit Canadien employa son temps à préparer les viandes et les farines qu'il avait rapportées de l'île Gueboroar. Quant aux sauvages, ils regagnèrent la terre vers 11 heures du matin, dès que les têtes de corail commencèrent à disparaître sous le flot de la marée montante. Mais je vis leur nombre s'accroître considérablement sur la plage. Il était probable qu'ils venaient des îles voisines ou de la Papouasie proprement dite. Cependant, je n'avais pas aperçu une seule pirogue indigène. N'ayant rien de mieux à faire, je songeais à draguer ces belles eaux limpides qui laissaient voir à profusion des coquilles, des zoophytes et des plantes pélagiennes. C'était, d'ailleurs, la dernière journée que le Nautilus allait passer dans ces parages, si toutefois il flottait à la pleine mer du lendemain, suivant la promesse du capitaine Nemo. J'appelai donc Conseil, qui m'apporta une petite drague légère, à peu près semblable à celles qui servent à pêcher les huîtres. « Et ces sauvages ?» me demanda Conseil. « N'en déplaise à monsieur, ils ne me semblent pas très méchants. » Ce sont pourtant des anthropophages, mon garçon. On peut être anthropophage et brave homme, répondit Conseil, comme on peut être gourmand et honnête. L'un n'exclut pas l'autre. Bon, Conseil, je t'accorde que ce sont d'honnêtes anthropophages, et qu'ils dévorent honnêtement leurs prisonniers. Cependant, comme je ne tiens pas à être dévoré, même honnêtement, je me tiendrai sur mes gardes, car le commandant du Nautilus ne paraît prendre aucune précaution. Et maintenant à l'ouvrage. Pendant 2 heures, notre pêche fut activement conduite, mais sans rapporter aucune rareté. La drague s'emplissait d'oreilles de Midas, de harpes, de mélanies, et particulièrement des plus beaux marteaux que j'eusse vus jusqu'à ce jour. Nous prîmes aussi quelques holothuries, des huîtres perlières et une douzaine de petites tortues qui furent réservées pour l'office du bord. Mais au moment où je m'y attendais le moins, je mis la main sur une merveille. Je devrais dire sur une difformité naturelle très rare à rencontrer. Conseil venait de donner un coup de drague, et son appareil remontait chargé de diverses coquilles assez ordinaires quand, tout à coup, il me vit plonger rapidement le bras dans le filet, en retirer un coquillage et pousser un cri de conchyliologue, c'est-à-dire le cri le plus perçant que puisse produire un gosier humain. « Eh, qu'a donc, monsieur ?» demanda Conseil, très surpris. « Monsieur a-t-il été mordu ?»« Non, mon garçon, et j'eusse volontiers payé d'un doigt ma découverte. »« Quelle découverte ?»« Cette coquille, dis-je, en montrant l'objet de mon triomphe. » Mais c'est tout simplement une olive porphyre, genre olive, ordre des pectinibranches, classe des gastéropodes, embranchement des mollusques. Oui, Conseil, mais au lieu d'être enroulée de droite à gauche, cette olive tourne de gauche à droite. Est-il possible ? S'écria Conseil. Oui, mon garçon, c'est une coquille sénestre. Une coquille sénestre, répondait Conseil, le cœur palpitant. Regarde sa spire. « Ah, monsieur peut m'en croire, » dit Conseil en prenant la précieuse coquille d'une main tremblante, « mais je n'ai jamais éprouvé une émotion pareille. » Il y avait de quoi être ému. On sait en effet, comme me l'ont fait observer les naturalistes, que la dextrosité est une loi de nature. Les astres et leurs satellites, dans leurs mouvements de translation et de rotation, se meuvent de droite à gauche. L'homme se sert plus souvent de sa main droite que de sa main gauche, et conséquemment, ses instruments et ses appareils, escaliers, serrures, ressorts de montre, etc., sont combinés de manière à être employés de droite à gauche. Or, la nature a généralement suivi cette loi de l'enroulement de ses coquilles. Elles sont toutes dextres, à de rares exceptions, et quand, par hasard, leur spire est sénestre, les amateurs les paient au poids de l'or. Conseil et moi, nous étions donc plongés dans la contemplation de notre trésor, et je me promettais bien d'en enrichir le muséum, quand une pierre malencontreusement lancée par un indigène vint briser le précieux objet dans la main de Conseil. Je poussai un cri de désespoir. Conseil se jeta sur son fusil et visa un sauvage qui balançait sa fronde à 10 mètres de lui. Je voulus l'arrêter, mais son coup partit et cassa le bracelet d'amulette qui pendait au bras de l'indigène. « Conseil, m'écriai-je, Conseil !»« Et quoi, monsieur, ne voit-il pas que ce cannibale a commencé l'attaque ?»« Une coquille ne vaut pas la vie d'un homme, lui dis-je. »« Ah, le gueux !» s'écria Conseil, « j'aurais mieux aimé qu'il m'eût cassé l'épaule. » Conseil était sincère, mais je ne suis pas de son avis. Cependant, la situation avait changé depuis quelques instants, et nous ne nous en étions pas aperçus. Une 20aine de pirogues entouraient alors le Nautilus. Ces pirogues, creusées dans des troncs d'arbres, longues, étroites, bien combinées pour la marche, s'équilibraient au moyen d'un double balancier en bambou qui flottait à la surface de l'eau. Elles étaient manœuvrées par d'adroits pagayeurs à demi nus, et je ne les vis pas s'avancer sans inquiétude. Il était évident que ces Papouas avaient eu déjà des relations avec les Européens et qu'ils connaissaient leurs navires. Mais ce long cylindre de fer allongé dans la baie, sans mât, sans cheminée, que devait-il en penser ? Rien de bon, car il s'en était d'abord tenu à distance respectueuse. Cependant, le voyant immobile, il reprenait peu à peu confiance et cherchait à se familiariser avec lui. Or, c'était précisément cette familiarité qu'il fallait empêcher. Nos armes, auxquelles la détonation manquait, ne pouvaient produire qu'un effet médiocre sur ces indigènes, qui n'ont de respect que pour les engins bruyants. La foudre, sans les roulements du tonnerre, effraierait peu les hommes, bien que le danger soit dans l'éclair, non dans le bruit. À ce moment, les pirogues s'approchèrent plus près du Nautilus, et une nuée de flèches s'abattit sur lui. « Diable, il grêle, » dit Conseil, « et peut-être une grêle empoisonnée. » « Il faut prévenir le capitaine Nemo, » dis-je en rentrant par le panneau. Je descendis au salon. Je n'y trouvai personne. Je me hasardai à frapper à la porte qui s'ouvrait sur la chambre du capitaine. « Entrez, » me répondit. J'entrai, et je trouvai le capitaine plongé dans un calcul où les X et autres signes algébriques ne manquaient pas. « Je vous dérange ? » dis-je par politesse. « En effet, monsieur Aronnax, » me répondit le capitaine, « mais je pense que vous avez des raisons sérieuses de me voir. »« Très sérieuses. Les pirogues des naturels nous entourent et dans quelques minutes nous serons certainement assaillis par plusieurs centaines de sauvages. » « Ah !» fit tranquillement le capitaine Nemo. « Ils sont venus avec leurs pirogues ?»« Oui, monsieur. »« Eh bien, monsieur, il suffit de fermer les panneaux. »« Précisément. Et je venais vous dire... » « Rien n'est plus facile, » dit le capitaine Nemo, et pressant un bouton électrique, il transmit un ordre au poste de l'équipage. « Voilà qui est fait, monsieur, » me dit-il, après quelques instants. « Le canot est en place, et les panneaux sont fermés. Vous ne craignez pas, j'imagine, que ces messieurs défoncent les murailles que les boulets de votre frégate n'ont pu entamer ?»« Non, capitaine, mais il existe encore un danger. »« Lequel, monsieur ?»« C'est que demain... » quand il faudra rouvrir les panneaux pour renouveler l'air du Nautilus. Sans contredit, monsieur, puisque notre bâtiment respire à la manière des cétacés. Or, si à ce moment les Papouas occupent la plateforme, je ne vois pas comment vous pourrez les empêcher d'entrer. Alors, monsieur, vous supposez qu'ils monteront à bord? J'en suis certain. Eh bien, monsieur, qu'ils montent. Je ne vois aucune raison pour les en empêcher. Au fond, ce sont de pauvres diables, ces Papouas. Et je ne veux pas que ma visite à l'île de Gerberoir coûte la vie à un seul de ces malheureux. » Ces paroles prononcées d'un ton très bref, le capitaine Nemo s'inclina légèrement. C'était me donner congé, et je rentrai dans ma chambre. Là, je trouvai Conseil qui désirait connaître le résultat de mon entrevue avec le capitaine. « Mon garçon, » répondis-je, « lorsque j'ai eu l'air de croire que son Nautilus était menacé par les naturels de la Papouasie, le capitaine m'a répondu très ironiquement. « Je n'ai donc qu'une chose à te dire, aie confiance en lui et va dormir en paix. »« Monsieur n'a pas besoin de mes services ?»« Non, mon ami, que fait Ned Land ?»« Que monsieur m'excuse, » répondit Conseil. Mais l'ami Ned confectionne un pâté de kangourou qui sera une merveille. Je restai seul, je me couchai, mais je dormis assez mal. J'entendais le bruit des sauvages qui piétinaient sur la plateforme en poussant des cris assourdissants. La nuit se passa ainsi, et sans que l'équipage sortît de son inertie habituelle. Il ne s'inquiétait pas plus de la présence de ces cannibales que les soldats d'un fort blindé ne se préoccupent des fourmis qui courent sur son blindage. À 6 heures du matin, je me levai. Les panneaux n'avaient pas été ouverts. L'air ne fut donc pas renouvelé à l'intérieur, mais les réservoirs, chargés en toute occurrence, fonctionnèrent à propos et lancèrent quelques mètres cubes d'oxygène dans l'atmosphère appauvrie du Nautilus. Je travaillai dans ma chambre jusqu'à midi, sans avoir vu même un instant le capitaine Nemo. On ne paraissait faire à bord aucun préparatif de départ. J'attendis quelque temps, encore, puis je me rendis au grand salon. La pendule marquait 2 heures et demie. Dans 10 minutes, le flot devait avoir atteint son maximum de hauteur, et si le capitaine Nemo n'avait point fait une promesse téméraire, le Nautilus serait immédiatement dégagé. Sinon, bien des mois se passeraient avant qu'il pût quitter son lit de corail. Cependant, quelques tressaillements avant-coureurs se firent bientôt sentir dans la coque du bateau. J'entendis grincer sur son bordage les aspérités calcaires du fond corallien. À 2h35, le capitaine Nemo parut dans le salon. « Nous allons partir, dit-il. »« Ah, fis-je. J'ai donné l'ordre d'ouvrir les panneaux. » « Et les Papouas ?»« Les Papouas ?» répondit le capitaine Nemo, haussant légèrement les épaules. « Ne vont-ils pas pénétrer à l'intérieur du Nautilus ?»« Et comment ?»« En franchissant les panneaux que vous aurez fait ouvrir. » « Monsieur Aronnax, répondit tranquillement le capitaine Nemo, on n'entre pas ainsi par les panneaux du Nautilus, même quand ils sont ouverts. » Je regardai le capitaine. « Vous ne comprenez pas ?» me dit-il. « Aucunement. »« Eh bien, venez, vous verrez. » Je me dirigeai vers l'escalier central. Ici, Ned Land et Conseil, très intrigués, regardaient quelques hommes de l'équipage qui ouvraient les panneaux, tandis que des cris de rage et d'épouvantables vociférations résonnaient au dehors. Les mantelets furent rabattus extérieurement. 20 figures horribles apparurent. Mais le premier de ces indigènes qui mit la main sur la rampe de l'escalier, rejeté en arrière par je ne sais quelle force invisible, s'enfuit, poussant des cris affreux et faisant des gambades exorbitantes. 10 de ses compagnons lui succédèrent. 10 eurent le même sort. Conseil était dans l'extase. Ned Land, emporté par ses instincts violents, s'élança sur l'escalier. Mais, dès qu'il eut saisi la rampe à deux mains, il fut renversé à son tour. « Mille diables ! S'écria-t-il, je suis foudroyé !» Ce mot m'expliqua tout. Ce n'était plus une rampe, mais un câble de métal, tout chargé de l'électricité du bord, qui aboutissait à la plateforme. Quiconque le touchait ressentait une formidable secousse, et cette secousse eût été mortelle si le capitaine Nemo eût lancé dans ce conducteur tout le courant de ses appareils. On peut réellement dire qu'entre ses assaillants et lui, il avait tendu un réseau électrique que nul ne pouvait impunément franchir. Cependant, les Papouas avaient battu en retraite, affolés de terreur. Nous, moitié riant, nous consolions et frictionnions le malheureux Ned Land qui jurait comme un possédé. Mais, en ce moment, le Nautilus, soulevé par les dernières ondulations du flot, quitta son lit de corail à cette 40e minute exactement fixée par le capitaine. Son hélice battit les eaux avec une majestueuse lenteur, puis sa vitesse s'accrut peu à peu, et, courant à la surface de l'océan, il abandonna sain et sauf les dangereuses passes du détroit de Torrès. Chapitre 23. Aigri somnien. Le jour suivant, 10 janvier, le Nautilus reprit sa marche entre deux eaux, avec une vitesse que je ne pus estimer à moins de 35 milles à l'heure. La rapidité de son hélice était telle que je ne pouvais ni suivre ses tours ni les compter. Quand je songeais que ce merveilleux agent électrique, après avoir donné le mouvement, la chaleur, la lumière du Nautilus, le protégeait encore contre les attaques extérieures et le transformait en une arche sainte à laquelle nul profanateur ne touchait sans être foudroyé, mon admiration n'avait plus de bornes, et de l'appareil elle remontait aussitôt à l'ingénieur qui l'avait créé. Nous marchions directement vers l'ouest, et le 11 janvier, nous doublâmes ce cap Wessel, situé par 135 degrés de longitude et 10 degrés de latitude nord, qui forme la pointe est du golfe de Carpentarie. Les récifs étaient encore nombreux, mais plus clairsemés et relevés sur la carte avec une extrême précision. Le Nautilus évita facilement les brisants de Monet à bâbord et les récifs Victoria à tribord, placés par 130 degrés de longitude sur ce 10e parallèle que nous suivions rigoureusement. Le 13 janvier, le capitaine Nemo arrivait dans la mer de Timor, avait connaissance de l'île de ce nom par 122 degrés de longitude.

et pour dévoiler ce mystère, je ne comptais que sur les hasards de l'avenir. Je songeais alors à quitter ma chambre. Étais-je encore une fois libre ou prisonnier ? Libre entièrement, j'ouvris la porte, je pris les coursives, je montai l'escalier central. Les panneaux fermés la veille étaient ouverts, j'arrivai sur la plateforme. Ned Land et Conseil m'y attendaient. Je les interrogeai. Ils ne savaient rien. Endormis d'un sommeil pesant qui ne leur laissait aucun souvenir, ils avaient été surpris de se retrouver dans leur cabine. Quant au Nautilus, il nous parut tranquille et mystérieux comme toujours. Il flottait à la surface des flots sous une allure modérée. Rien ne semblait changer à bord. Ned Land, de ses yeux pénétrants, observa la mer. Elle était déserte. Le Canadien ne signala rien de nouveau à l'horizon, ni voile, ni terre. Une brise d'ouest soufflait bruyamment, et de longues lames, échevelées par le vent, imprimaient à l'appareil un très sensible roulis. Le Nautilus, après avoir renouvelé son air, se maintint à une profondeur moyenne de 15 mètres, de manière à pouvoir revenir promptement à la surface des flots. Opération qui, contre l'habitude, fut pratiquée plusieurs fois pendant cette journée du 19 janvier. Le second montait alors sur la plateforme et la phrase accoutumée retentissait à l'intérieur du navire. Quant au capitaine Nemo, il ne se montra pas. Des gens du bord, je ne vis que l'impassible Stewart, qui me servit avec son exactitude et son mutisme ordinaire. Vers 2 heures, j'étais au salon, occupé à classer mes notes, lorsque le capitaine ouvrit la porte et parut. Je le saluai. Il me rendit un salut presque imperceptible, sans m'adresser la parole. Je me remis au travail, espérant qu'il me donnerait peut-être des explications sur les événements qui avaient marqué la nuit précédente. Il n'en fit rien. Je le regardai. Sa figure me sembla fatiguée, ses yeux rougis n'avaient pas été rafraîchis par le sommeil. Sa physionomie exprimait une tristesse profonde, un réel chagrin. Il allait et venait, s'asseyait et se relevait, prenait un livre au hasard, l'abandonnait aussitôt, consultait ses instruments, sans prendre ses notes habituelles, et paraissait ne pouvoir tenir un instant en place. Enfin, il vint vers moi et me dit « Êtes-vous médecin, monsieur Aronnax ?» Je m'attendais si peu à cette demande que je le regardai quelque temps sans répondre. « Êtes-vous médecin ? » répéta-t-il. « Plusieurs de vos collègues ont fait leurs études de médecine, Gratiolet, Mauquin-Tendon et autres. » « En effet, dis-je, je suis docteur et interne des hôpitaux. J'ai pratiqué pendant plusieurs années avant d'entrer au muséum. » « Bien, monsieur. » Ma réponse avait évidemment satisfait le capitaine Nemo. Mais, ne sachant où il en voulait venir, j'attendis de nouvelles questions, me réservant de répondre suivant les circonstances. « Monsieur Aronnax, me dit le capitaine, consentiriez-vous à donner vos soins à l'un de mes hommes ?»« Vous avez un malade ?»« Oui. » »« Je suis prêt à vous suivre. Venez. » J'avouerai que le cœur me battait. Je ne sais pourquoi je voyais une certaine connexité entre cette maladie d'un homme de l'équipage et les événements de la veille, et ce mystère me préoccupait au moins autant que le malade. Le capitaine Nemo me conduisit à l'arrière du Nautilus et me fit entrer dans une cabine située près du poste des matelots. Là, sur un lit, reposait un homme d'une 40aine d'années à figure énergique, vrai type de l'anglo-saxon. Je me penchai sur lui. Ce n'était pas seulement un malade, c'était un blessé. Sa tête, emmaillotée de linge sanglant, reposait sur un double oreiller. Je détachai ses linges et le blessé, regardant de ses grands yeux, me laissa faire sans proférer une plainte. La blessure était horrible. Le crâne, fracassé par un instrument contondant, montrait la cervelle à nu, et la substance cérébrale avait subi une attrition profonde. Des caillots sanguins s'étaient formés dans la masse diffluente, qui affectait une couleur lie de vin. Il y avait eu à la fois contusion et commotion du cerveau. La respiration du malade était lente. Quelques mouvements spasmodiques des muscles agitaient sa face. La phlegmasie cérébrale était complète et entraînait la paralysie du sentiment et du mouvement. Je pris le pouls du blessé, il était intermittent. Les extrémités du corps se refroidissaient déjà, et je vis que la mort s'approchait sans qu'il me parût possible de l'enrayer. Après avoir pansé ce malheureux, je rajustai les linges de sa tête, et je me retournai vers le capitaine Nemo. « D'où vient cette blessure ?» lui demandai-je. « Qu'importe, » répondit évasivement le capitaine. « Un choc du Nautilus a brisé un des leviers de la machine qui a frappé cet homme. Le second était à ses côtés. Il s'est jeté au devant du choc. Un frère se faisant tuer pour son frère, un ami pour son ami, quoi de plus simple. C'est la loi de tous à bord du Nautilus. Mais votre avis sur son état ? J'hésitais à me prononcer. « Vous pouvez parler, » me dit le capitaine, « cet homme n'entend pas le français. » Je regardai une dernière fois le blessé, puis je répondis, « Cet homme sera mort dans 2 heures. »« Rien ne peut le sauver ?»« Rien. » La main du capitaine Nemo se crispa, et quelques larmes glissèrent de ses yeux, que je ne croyais pas fait pour pleurer. Pendant quelques instants, j'observai encore ce mourant, dont la vie se retirait peu à peu. Sa pâleur s'accroissait encore sous l'éclat électrique qui baignait son lit de mort. Je regardais sa tête intelligente, sillonnée de rides prématurées, que le malheur, la misère peut-être, avait creusée depuis longtemps. Je cherchais à surprendre le secret de sa vie dans les dernières paroles échappées de ses lèvres. « Vous pouvez vous retirer, monsieur Aronnax, » me dit le capitaine Nemo. Je laissai le capitaine dans la cabine du mourant, et je regagnai ma chambre, très ému de cette scène. Pendant toute la journée, je fus agité de sinistres pressentiments. La nuit, je dormis mal, et, entre mes songes fréquemment interrompus, je crus entendre des soupirs lointains et comme une psalmodie funèbre. Était-ce la prière des morts murmurée dans cette langue que je ne savais pas comprendre ? Le lendemain matin, je remontai sur le pont. Le capitaine Nemo m'y avait précédé. Dès qu'il m'aperçut, il vint à moi. « Monsieur le professeur, me dit-il, vous conviendrait-il de faire aujourd'hui une excursion sous-marine ?»« Avec mes compagnons, demandai-je. »« Si cela leur plaît. »« Nous sommes à vos ordres, capitaine. Veuillez donc aller revêtir vos scaphandres. » Du mourant ou du mort, il ne fut pas question. Je rejoignis Ned Land et Conseil, je leur fis connaître la proposition du capitaine Nemo. Conseil s'empressa d'accepter, et cette fois le Canadien se montra très disposé à nous suivre. Il était 8 heures du matin. À 8h30, nous étions vêtus pour cette nouvelle promenade et munis de 2 appareils d'éclairage et de respiration. La double porte fut ouverte, et, accompagné du capitaine Nemo, que suivait une 12aine d'hommes de l'équipage, nous prenions pied à une profondeur de 10 mètres sur le sol ferme où reposait le Nautilus. Une légère pente aboutissait à un fond accidenté, par 15 brasses de profondeur environ. Ce fond différait complètement de celui que j'avais visité pendant ma première excursion sous les eaux de l'océan Pacifique. Ici, point de sable fin. Point de prairie sous-marine, nulle forêt pélagienne. Je reconnus immédiatement cette région merveilleuse dont, ce jour-là, le capitaine Nemo nous faisait les honneurs. C'était le royaume du corail. Rien ne pouvait être plus intéressant pour moi que de visiter l'une de ces forêts pétrifiées que la nature a plantées au fond des mers. Les appareils Ruhmkorff furent mis en activité, et nous suivîmes un banc de corail en voie de formation qui, le temps aidant, fermera un jour cette portion de l'océan Indien. La route était bordée d'inextricables buissons formés par l'enchevêtrement d'arbrisseaux que couvraient de petites fleurs étoilées à rayons blancs. Seulement, à l'inverse des plantes de la terre, ces arborisations fixées aux rochers du sol se dirigeaient toutes de haut en bas. La lumière produisait mille effets charmants en se jouant au milieu de ces ramures si vivement colorées. Il me semblait voir ces tubes membraneux et cylindriques trembler sous l'ondulation des eaux. J'étais tenté de cueillir leurs fraîches corolles ornées de délicats tentacules, les unes nouvellement épanouies, les autres naissant à peine, pendant que de légers poissons, aux rapides nageoires, les effleuraient en passant comme des volets d'oiseaux. Mais si ma main s'approchait de ces fleurs vivantes, de ces sensitives animées, aussitôt l'alerte se mettait dans la colonie. Les corolles blanches rentraient dans leurs étuis rouges, les fleurs s'évanouissaient sous mes regards, et le buisson se changeait en un bloc de mamelons pierreux. Mais bientôt les buissons se resserrèrent, les arborisations grandirent. De véritables taillis pétrifiés et de longues travées d'une architecture fantaisiste s'ouvrirent devant nos pas. Le capitaine Nemo s'engagea sous une obscure galerie dont la pente douce nous conduisit à une profondeur de 100 mètres. La lumière de nos serpentins produisait parfois des effets magiques en s'accrochant aux rugueuses aspérités de ces arceaux naturels et aux pendentifs disposés comme des lustres qu'elles piquaient de pointes de feu. Entre les arbrisseaux coralliens, j'observai d'autres polypes non moins curieux, des mélites, des iris aux ramifications articulées, puis quelques touffes de corallines, les unes vertes, les autres rouges, véritables algues encroûtées dans leur sel calcaire, que les naturalistes, après de longues discussions, ont définitivement rangées dans leur règne végétal. Mais, suivant la remarque d'un penseur, c'est peut-être là le point réel où la vie obscurément se soulève du sommeil de pierre sans se détacher encore de ce rude point de départ. Enfin, après 2 heures de marche, nous avions atteint une profondeur de 300 mètres environ, c'est-à-dire la limite extrême sur laquelle le corail commence à se former. Mais là, ce n'était plus le buisson isolé, ni le modeste taillis de basse futaie. C'était la forêt immense, les grandes végétations minérales, les énormes arbres pétrifiés réunis par des guirlandes d'élégantes plumes mariasses, ces lianes de la mer, toutes parées de nuances et de reflets. Nous passions librement sous leurs hautes ramures perdues dans l'ombre des flots, tandis qu'à nos pieds, les tubipores, les méandrines, les astrées, les fongies, les cariophiles formaient un tapis de fleurs semé de gemmes éblouissantes. Quel indescriptible spectacle! Ah, que ne pouvions-nous communiquer nos sensations? Pourquoi étions-nous emprisonnés sous ce masque de métal et de verre? Pourquoi les paroles nous étaient-elles interdites de l'un à l'autre? Que ne vivions-nous, du moins, de la vie de ces poissons qui peuplent le liquide élément? Ou plutôt encore de celle de ces amphibies qui, pendant de longues heures, peuvent parcourir au gré de leurs caprices le double domaine de la terre et des eaux? Cependant, le capitaine Nemo s'était arrêté. Mes compagnons et moi, nous suspendîmes notre marche, et, me retournant, je vis que ces hommes formaient un demi-cercle autour de leur chef. En regardant avec plus d'attention, j'observai que 4 d'entre eux portaient sur leurs épaules un objet de forme oblongue. Nous occupions en cet endroit le centre d'une vaste clairière, entourée par les hautes arborisations de la forêt sous-marine. Nos lampes projetaient dans cet espace une sorte de clarté crépusculaire qui allongeait démesurément les ombres sur le sol. À la limite de la clairière, l'obscurité redevenait profonde et ne recueillait que de petites étincelles retenues par les vives arêtes du corail. Ned Land et Conseil étaient près de moi. Nous regardions, et il me vint à la pensée que j'allais assister à une scène étrange. En observant le sol, je vis qu'il était gonflé, en de certains points, par de légères extumescences encroûtées de dépôts calcaires, et disposées avec une régularité qui trahissait la main de l'homme. au milieu de la clairière, sur un piédestal de roc grossièrement entassé, se dressait une croix de corail qui étendait ses longs bras qu'on eût dit faits d'un sang pétrifié. Sur un signe du capitaine Nemo, un de ses hommes s'avança, et à quelques pieds de la croix, il commença à creuser un trou avec une pioche qu'il détacha de sa ceinture. Je compris tout. Cette clairière, c'était un cimetière. Ce trou, une tombe. Cet objet oblong, le corps de l'homme mort dans la nuit. Le capitaine Nemo et les siens venaient enterrer leurs compagnons dans cette demeure commune, au fond de cet inaccessible océan. Non, jamais mon esprit ne fut surexcité à ce point. Jamais idées plus impressionnantes n'envahirent mon cerveau. Je ne voulais pas voir ce que voyaient mes yeux. Cependant, la tombe se creusait lentement. Les poissons fuyaient, çà et là, leur retraite troublée. J'entendais résonner sur le sol calcaire le fer du pic qui étincelait parfois en heurtant quelques silex perdus au fond des eaux. Le trou s'allongeait, s'élargissait, et bientôt il fut assez profond pour recevoir le corps. Alors les porteurs s'approchèrent. Le corps, enveloppé dans un tissu de byssus blanc, descendit dans son humble tombe. Le capitaine Nemo, les bras croisés sur la poitrine, et tous les amis de celui qu'ils avaient aimé, s'agenouillèrent dans l'attitude de la prière. Mes compagnons et moi, nous nous étions religieusement inclinés. La tombe fut alors recouverte des débris arrachés au sol qui formèrent un léger enflement. Quand ce fut fait, le capitaine Nemo et ses hommes se redressèrent. Puis, se rapprochant de la tombe, tous fléchirent le genou et tous étendirent leurs mains en signe de suprême adieu. Alors, la funèbre troupe reprit le chemin du Nautilus, repassant sous les arceaux de la forêt, au milieu des taillis, le long des buissons de corail, et toujours montant. Enfin les feux du bord apparurent. Leur traînée lumineuse nous guida jusqu'au Nautilus. À une heure, nous étions de retour. Dès que nos vêtements furent changés, je remontai sur la plateforme et, en proie à une terrible obsession d'idées, j'allai m'asseoir près du fanal. Le capitaine Nemo me rejoignit. Je me levai et lui dis « Ainsi, suivant mes prévisions, cet homme est mort dans la nuit ?»« Oui, monsieur Aronnax, » répondit le capitaine Nemo. « Et il repose maintenant près de ses compagnons dans ce cimetière de corail ?»« Oui, oublié de tous, mais non de nous. Nous creusons la tombe et les polypes se chargent d'y sceller nos morts pour l'éternité. » Et cachant d'un geste brusque son visage dans ses mains crispées, le capitaine essaya vainement de comprimer un sanglot, puis il ajouta « C'est là notre paisible cimetière, à quelques centaines de pieds au-dessous de la surface des flots. Vos morts y dorment du moins tranquilles, capitaine, hors de l'atteinte des requins ?»« Oui, monsieur, » répondit gravement le capitaine Nemo, « des requins et des hommes. » Fin de la première partie.